Je suis, dans notre temps de chocs et de fureurs, Belluaire, et j'ai fait la guerre aux empereurs. J'ai combattu la foule immonde des Sodomes. Des millions de flots, des millions d'hommes ont rugi contre moi sans me faire céder. Tout le gouffre est venu m'attaquer et gronder. Et j'ai livré bataille aux vagues écumantes. Et sous l'énorme assaut de l'ombre et des tourmentes, je n'ai pas plus courbé la tête qu'un écueil. Je ne suis pas de ceux qui effraient un ciel en deuil, et qui, n'osant sonder les Styx et les Avernes, tremblent devant la bouche obscure des cavernes. Quand les tyrans lançaient sur nous, du haut des airs, leur noir tonnerre, ayant des crimes pour éclair, j'ai jeté mon ver sombre à ces passants sinistres. J'ai traîné tous les rois avec tous leurs ministres, tous les faux dieux avec tous les principes faux, tous les trônes liés à tous les échafauds. L'erreur, le glaive infâme et le sceptre sublime, j'ai traîné tout cela, pêle-mêle, à l'abîme. J'ai, devant les Césars, les princes et les géants, de la force debout sur la main des néants, devant tout ce que l'homme adore, exècre, encense, devant les Jupiters de la toute-puissance, été 40 ans, fier, indompté, triomphant. Et me voilà vaincu par un petit enfant.